Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Conversation 3 Conversation 3 هل تدخن؟ Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez? سابقاً, نعم. Autrefois, oui. Autrefois, oui. لكن الآن لا أدخن قطعياً. Mais maintenant, je ne fume plus. Mais maintenant, je ne fume plus. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Est-ce que ça vous dérange si je fume? Est-ce que ça vous dérange si je fume? Là, à l'étlaque. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. هل تشرب شيئا؟ Prendriez-vous quelque chose à boire? Prendriez-vous quelque chose à boire? واحد cognac. Un cognac? Un cognac? لا, الأفضل بيرة. Non, plutôt une bière. Non, plutôt une bière. أتسافر حضرتك كثيراً؟ Voyagez-vous beaucoup? Voyagez-vous beaucoup? نعم. وغالباً ما تكون رحلات عمل. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Mais maintenant, nous sommes en vacances. ما هذا الحر؟ Quelle chaleur! Quelle chaleur! نعم, اليوم حار جدا فعلا. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. لنذهب إلى الشرفة. Allons sur le balcon. Allons sur le balcon. غداً ستكون هنا حفلة. Demain, il y aura une fête. Demain, il y aura une fête. هل تأتون أيضاً؟ Est-ce que vous y venez aussi? Est-ce que vous y venez aussi? نعم, نحن أيضاً مدعوون. Oui, nous y sommes aussi invités. Oui, nous y sommes aussi invités.